c'est ces deux questions que vous devez vous poser à chaque fois. Donc, quelle est la preuve? Qu'Allah nous demande d'apprendre l'aqidah, de le connaître. Hein? Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbi. Allah dit dans le Coran, sache donc en vérité que nul n'est en droit d'être adoré et repens-toi ou demande pas. Donc sache donc, fa'alam. Donc la connaissance, on va en parler après ça. Donc la connaissance, connais ton créateur, Allah te demande de le connaître. Fa'alam annahu la ilaha illallah, connais. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ibn Abbas dit إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ. D'accord, il célèbre l'unicité, il témoigne de l'unicité, يُوَحِّدُونَ. Et on a vu que le pilier de l'adoration, c'est l'amour. Donc pour gagner cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut quoi? Tout le monde prétend aimer Allah. Les juifs et les chrétiens, ils prétendent aimer Allah. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ. Les juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les enfants d'Allah et ses préférés. قُلْ فَلَوْزَا يَعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ. قُلْ فَلِمَا يَعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ. Dit pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des humains, donc ceux qu'il a créés. Donc s'il vous aime, vraiment, pourquoi il vous châtie? Vous êtes comme les autres. Mais la preuve qu'on aime Allah, parce que le but c'est pas d'aimer Allah, le but c'est d'être aimé par Allah. Donc pour gagner cet amour d'Allah, qui est le pilier de l'Uluhiyya, qui est le pilier de Tawhid, qui est le pilier de l'adoration, hein, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés, Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc si vous aimez vraiment Allah, vous devez suivre le prophète Allah. D'accord, ayat al-mihna, comme on dit le salaf. Ça, c'est le verset de l'épreuve. Grande mise à l'épreuve. Tu aimes vraiment Allah, tu aimes, le prophète. Extérieurement et intérieurement. Extérieurement. Par la plume vestimentaire. Si tu es incapable de faire les choses que tu crois, ils disent, franchement, les détails. Tu es incapable de faire des choses que eux, ils considèrent des détails. Dans les choses majeures, tu ne peux pas tenir ça. Tu ne peux pas suivre le prophète. Tu es incapable d'être au moins dans la tenue vestimentaire, ou dans la barbe, ou dans les choses qu'ils considèrent, nous on considère que c'est des choses prioritaires, et des choses primordiales, ils sont incapables de suivre le prophète dans ce sens-là. Je crois qu'il sera impossible de le suivre quand ils sont mis dans les vraies épreuves. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Le seul moyen, donc, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour le connaître, comment on doit le connaître, comment connaître Allah, et comment l'adorer, le seul moyen c'est quoi? La révélation. Allah nous a informés. Sinon on va faire n'importe quoi. Donc il n'y a pas d'autre moyen que la voix du prophète Hassan, que ce que nous a rapporté le prophète Hassan. Sinon, on va imaginer. On va utiliser notre sens, notre rêve. J'ai rêvé du prophète Hassan, il m'a dit que ça c'est bien. Donc je dois suivre cette voie, c'est bien ça. Hein? Voilà, je l'ai essayé, j'ai fait l'expérience, et je me suis senti tranquille. Il n'y a pas que les musulmans qui se sentent tranquilles. Il n'y a pas que les innovateurs. Là-dedans, il faut qu'ils se sentent tranquilles. Va voir les témoins de Jéhovah, comment ils vont se sentir. Ils pleurent, ils font des réunions, ils se sentent très tranquilles, mais dans l'égarement. La seule voie d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, de connaître, c'est la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala dit, hadith Abu Huraira, il est très connu, hadith Qudsi. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا اقْتَرَفْتُهُ عَلَيْهِ. Mon serviteur n'a fait pour se rapprocher de moi aucune action plus aimable à moi

Et à la fin, فأجمعوا أمركم ثم قدوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. روح dans le verset de sourate Yunus, il dit, alors quand elle dit, raconte-leur l'histoire de Noé, quand il dit à son peuple, oh mon peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèsent trop, alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance, concertez-vous avec vos associés et ne cherchez pas vos destins, puis décidez de moi et ne me donnez pas de répit. Si vous vous détournez, alors sachez, je ne vous ai pas demandé de salaire, mon salaire n'incombe qu'à Allah. Regardez, et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans. Alors il dit dans Sourate, Yunus, le Sourate 10, le verset 71. Donc, Noé était musulman, l'islam pur. Ibrahim, musulman. Ibrahim, Nathan Ibrahim, يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم نتني جيد نكرتا مزيدة حنيف مزيلما عند اسلك حنيف عند سترنا عند حنيف vers le droit chemin. Apprenez maintenant vers le droit chemin. C'était حنيف مزيلما il n'était pas du nombre des associateurs. Donc حنيف مسلم. Yaqub le fils de Ishaq était musulman. Alors, quand il dit sur Ibrahim, quand son Seigneur lui dit « Sois musulman », il dit « Je suis musulman devant le Seigneur de l'univers ». وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et c'est ce qu'Ibrahim recommanda à ses fils. De même Yaqub, premier fils, Yaqub c'est Israël. C'est le père du fils d'Israël. Quand on dit Yaqub ou Israël, c'est la même chose. D'accord? Premier fils, certes Allah vous a choisi la religion, vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'au musulman. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. An kuntum shuhada'a, id hadara Yaqub al-maut, id qala li banihi la ta'buduna min ba'di. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Yaqub et qu'il dit à ses fils, qu'adoreriez-vous après moi? Ils répondirent, nous adorerons tant il a sa divinité, tant il a et Ilah de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, Ilah un wahidan, Ilah unique, et nous sommes musulmans devant lui. Qu'est-ce que dit musulman? Nous sommes musulmans. Wa al-haqni, tawakkani musliman, wa al-haqni bis-salihin, dans Sourate Yusuf. Fais-moi mourir musulman, et fais-moi joindre les serviteurs. Sourate Yusuf, verset 101.